tous les dimanches. Une heure de son 100% rail. Avec DJ K sur Skyrock, c'est Rail Suprême. Passez une bonne soirée, bienvenue en ce dimanche soir. Comme chaque dimanche, DJ K est là. Ouais, magnifique. On est là. Comme jamais, pendant une heure, prêt à mixer, Case. Toujours prêt, ouais. Des nouveautés, des classiques. Des nouveautés, des classiques. On fait depuis quelques semaines et puis depuis quelques émissions, on fait découvrir des titres du nouvel album que je vais sortir le 25 août. Donc la date officielle, c'est le 25 août, Paris en New York. Et on fait découvrir des. On se permet de balancer des titres afin de vous faire découvrir et donner un peu la température et les couleurs du projet. Paris en New York, qui sort le 25 août. 25 août, exactement. On et d'ailleurs. Avec un extrait. Pardon ? On débute avec un extrait. Alors justement avec un nouvel extrait là, alors là c'est l'artiste, on a pu le découvrir sur un titre qu'on mettait en playlist sur Rail Suprême, c'était Remété et il a été invité sur mon projet pour un titre qui s'appelle Full Bordel avec Camro. Et ben on l'écoute maintenant, c'est parti. Allez, coup d'envoi. Une heure de mix 100% rail. Rail Suprême. C'est seulement sur Skyrock. DJ Kais, balance la derbo Kais s'il te plaît. Attention. DJ K, l'artiste, Cameron. C'est une affaire de patron, hein. Les mains en l'air, les mains en l'air, les mains en l'air, les mains en l'air, les mains en l'air. Sérieux, hein. Paris ou New York, let's go. J'suis pas la quête de jeune femme, ni le compte de Chan. J'aime me tirer pas sur ma chicha, surtout si t'as les dents jaunes. On est là pour la déconne, on sera pas tous les jours jeune. Toi t'es là, t'es sérieux, mais tu passes une soirée chaude. Fini les portes du rail, ma cité a déjà craqué. On move sur du rail avec des gonzesses à croquer. Si les keufs nous écoutent, faut surtout pas paniquer. Quand j'parle de tuyaux au charbon, c'est pas pour braquer. Elle a souffert pour te plaire, respecte la mise. Les traces sur son bras, c'est le fer babélique. Talons aiguilles, team grosse bise. Elle a un bac plus maroc, bête de fille. J'ai refusé des trios avec des jolies femmes. Faut pas non plus abuser, j'veux sauver mon âme. Lâche ta. T'as fini au baladin. J'fais le tour du périph', c'est comme ça qu'on se baladin. Qatari et champion, toujours numéro 1. Que Dieu me pardonne, j'fais vider des bouteilles. J'repars pour les gosses, la lame à tous mes reilles. Je sais qu'un jour j'vais couler, oui que j'vais vous saouler. Mais tant que je serai là, la concurrence va roucouler. Jusqu'au bout de la night, votre passé abusé, c'est le phénomène. Jusqu'au bout de la night, la musique nous a usé, c'est le phénomène. Jusqu'au bout de la night, Champs-Élysées, cheese photo, pizza pino, vodka tello. Sa maman, encore moi, mon Kaizune. Tu connais les bails, hein? Je connais. Tu vas la secouer. Vraiment, vraiment. Tu vas la secouer. Fou le bordel, fou le bordel. DJ Kais artiste, fou le bordel. Fou le bordel, fou le bordel. Comment les attendre, DJ Kais, fou le bordel. Fou le bordel, fou le bordel. Fou le bordel, fou le bordel. Fou le bordel, fou le en groupe M, au-dessus des lois, au-dessus du game. On passe par pour moi,

vie des Kati, 4 bonnes gadji dans ma Bugatti. Man c'est parti, carré VIP, pyramide, Illuminati. Un tour à Nicky Beach, à Saint-Tropez, Marseille, Paris, Oran, New York, ok. A force de danser t'as des points de côté. Ce soir que des beautés, je vais bien me frotter. Suprême en direct sur Skyrock. Tu rêves d'avoir de la sape, de la sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident. Il te faut du soin, du soin. Baby, du soin. Ça va pas comme un spoil, du soin. Ça prend des piges et des piges, des décennies. Demande à Skalpovic, trop de Lucy. J'kick sa deux billes, prends mon Yevi. Tu veux du swag, il te montre ce truc qui fait que soudain tu te démarques. On se fait pas remarquer, on est remarquable. Faut le dire, personne nous rattrape. Swag et même on te skie, j'reste. Fais ça, merci, passons. Trop de compliments, pourtant j'allais juste pisser. J'ai glissé ma toile comme piqué. L'expliquer c'est trop compliqué. Être chic c'est pas l'échec, et qu'est-ce tu perds la tête. Mais au fait quitter, t'aimerais que toi t'es sur la liste rouge. Sur la piste tu bouges mais t'as pas trop la louche. Ok ok t'as des nouvelles mais t'as pas le level. T'as mis un LV, putain. Je sais pas d'avoir la sape ou bien ta marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il te faut du swag. Du swag. Baby, du swag. Ça vient pas comme un spoil. Du swag. Ça prend des piges et des piges. Tu vis pas d'avoir de la sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu le remarques, mais c'est évident. Il te faut du soin. Du soin. Baby, du soin. Ça fait pas comme un spoil. Du soin. Ça prend des piges et des piges. Personne ne nous stoppe, c'est chic shop. Un hip hop qui te frappe ton style à l'odeur d'anti-pop. J'l'ai déjà dit, nous tester ne venez jamais. Toi t'arrives, on connaît, moi je repars en fumant. Une pour ma masse de clichés, la famille Juna. Zim Zima, encore un son de sonar. Tu te prends la tête avec ton survêt zardine en latex. C'est dans le sang la tech, même quand jardine sans lacet. J'tape pas dans l'assiette, j'ai toujours un plaidio dans l'assiette. T'aimerais enlacer, mais ce soir le physio t'a rappelé. Je sais pas d'avoir la sape ou bien ta marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il te faut du swag. Du swag. Baby, du swag. Ça vient pas comme un spoil. Du swag. Ça prend des piges et des piges. Du swag. J'ai des décennies. Je sais pas d'avoir la sape ou bien ta marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident. Comme chaque dimanche soir. Du swag. Il suffit pas d'avoir de la sape. Eh ouais. Toi t'en as du swag Fred. Bah merci. Du polo noir, rien que ça c'est swagué là, ça y est. Non là c'est un t-shirt. Ah. Tu me vois peut-être de loin. Ou alors tu as bu. Non. Même pas. Bon voilà, donc on s'est mis une exclue justement du projet qui sort le 25 août, paru en New York. C'est l'artiste Camro, le titre c'est Full Bordel. Un gros titre, on s'est mis aussi Jnouné, Rimka, Jul et Diesel. On s'est mis aussi Itza et Khaldoun Galbi Remix. Et El Matador, Wati Bayrai. Et on a terminé avec H Magnum et Maître Gims du Swag. Qui est sorti la semaine dernière. Qui est sorti la semaine dernière, exactement. Et qu'on peut toujours cliquer et trouver un peu partout. Exactement, disponible sur iTunes. Extrait de Paris en New York. C'est on est reparti. On est reparti. Hein. Point info soirée maintenant. Alors, ou info soirée, oui. Moi, j'ai une soirée cette semaine. Ah. C'est jeudi. Ce jeudi, donc, et c'est au Théâtre à Porte-Maillot à Paris. D'accord. Voilà. On est reparti. Allez. Skyrock, Roy Suprême. C'est DJ Case, DJ Case. Universal. Qualité son. Prison de Khalasa. Belkassem, ou Khouya, Bibi, le maestro. أمين تركي وخويا الشريف الباخرة يلا يلا Here's your DJs. اصحاب الكلاشنيكوف والكارابينا اصحاب لي سي 63 اي بورش كاريرا لو بيبي اي لوف يو كود باي شانج ان يبي اون سبار ا دوباي فيم تا شيشا اي فازي رول ان غروس فليب لي بوفير اون لير بون نو نو سيف لي باباسي اون les connaît pas. Poto, adresse c'est la police qui nous prend en photo. Transaction 5 litrons, le bénéfice ou le micro. Sur l'avenue Montaigne, j'ai Gucci, j'ai Louis Vuitton. I'm a young man, he's a man. عيش مهموم, عيش مغروم. لما أنا محتار, صبر يا قلبي وعلي. هذه هي دنيا, صبر يا قلبي وعلي. عتبر جمولة, وهيا وهيا ويا العربية, العزيز عليا, ممو عينيا. Lève les bras, 1, 2, 3, je vais vous quebra. J'tach, j'tach, j'tach, lève les bras, 1, 2, 3, je vais vous quebra. J'tach, j'tach, j'tach, lève les bras, 1, 2, 3, je vais vous quebra. J'tach, j'tach, j'tach. Pas de coche, consomme pas de cristal. J'ai pas besoin d'alcool pour me barrer en freestyle. Y'a pas que les meufs qui tournent, non, y'a aussi la roue. Regarde sur la piste, danse avec des loups-garous. Sur le terrain, cousin, les cups, tous les crampons. Les balles, cousin, ne servent pas qu'à mettre des crampons. À bon entendeur, j'peux rapper en beurre. J'mange tous les rappeurs en menu tender. J'coule à Bibi, j'coule Bibi. Amène y'a ton fille, head on man. Aïchi mehmoum, aïchi maghroum. Dima ana mahtar. Zbar ya galbi wali. Hadi hiya dunya. Tous les dimanches, une heure de son 100% rail avec DJ Kaze sur Skyrock. C'est Rail Suprême. C'est Rail Suprême avec Rail DJ Suprême. Kaze. DJ Kaze et Fabien aussi. Oh bah, il est déchaîné. On est là, on est là. Toujours là. Hein. Avec, on n'a pas salué notre ami Crémo qui est là. Ah, Crémo aussi. Qui nous ah a oui, mis bien comme d'hab. Ah bah oui. Avec ses fameux chichas. Crémo est toujours là. Hein. Toujours là, la villa, 14 boulevard Bessières, 75-017 Paris. Ouais, en fait, quand il est pas là, il est à la villa. C'est ça, c'est ici ou la villa. Voilà, c'est le. Mais le dimanche soir, il commence à prendre l'habitude de venir et c'est vraiment pas mal parce qu'il ramène des super bonnes chichas. Il vient de chiller, tranquille. Voilà, chiller. Le meilleur tabac est chez lui. Hashtag chill. Voilà, avec modération, je rappelle, même d'ailleurs, c'est l'abus est dangereux, enfin, un truc ouais, comme ça. Un truc comme ça. C'est un truc dans le genre. On a eu quoi, Kaze, parce qu'on s'est un peu éloigné là. On s'est mis une petite session Stifi algérienne. Donc Rai, et on s'est mis l'ONB, on s'est mis Algerino et DZ Ario, et puis on enchaîne une troisième session. Et ben on est reparti. Ouais, direct. Allez, cool, on va, c'est parti maintenant. Tous les dimanches, une heure de son 100% Rai. Avec DJ Kaze sur Skyrock, c'est Rai Suprême. Suprême, mixé par DJ Kaze sur Skyrock. I'm

Case. Et ouais, il est là en chair et en os. Et en os avec nous entre minuit et une heure du mat comme c'est chaque ça. Dimanche soir pour Rai Suprême. Exactement, avec une série Kabyle, ouais. Avec Takfarina, c'est Azul. Mohamed Allawa, Azul Azul. Moi je connais les mots que tu connais, c'est Azul, ouais. Et Chokran. Chokran. On va essayer d'en trouver un troisième. Bah, si on peut, tu t'en as un filet, je veux bien. T'auras ton baccalauréat. Pour cet été, je veux bien. On s'est mis à une série moyenne orientale. Et c'est pas fini totalement, il reste encore 15 minutes, Case. Exactement. Il te reste des ressources, des cartouches, il te reste des trucs ou pas? On remballe maintenant. En stock. Donc mais ça va pas nous empêcher de remettre le morceau avec l'artiste et Camero qu'on a mis en début. Pour ceux qui l'ont pas écouté, il y en a qui nous demandent de le remettre. On envoie les SMS. Ça, c'est donc le projet Paris ou en New York qui sortira le 25 août prochain. C'est ton projet. Exactement. Qu'avec des titres inédits. Eh oui, dont celui-là. Donc, l'artiste est Camero, le titre c'est Full Bordel. Allez, donc, c'est parti. Rai Suprême. Avec DJ K sur Skyrock. DJ K, balance la derbo K, s'il te plaît. Attention. Nouvelle combinaison. DJ K, l'artiste, okay. Camero. Okay. C'est une affaire de pas trop, hein. Change

closer. For the bread and butter, yeah, they try to toast me. I'm married to the game, but the game don't love me. It'll leave me in a heartbeat, that's why I'm cold-blooded. When I say I love you, I mean it deeply. I can't see life without you living with me. And if you love someone, I know you feel me. When I say before they take you, they wanna kill me. I'm talking, they want the Army, Marine, Navy, SEAL me. Yeah, the world knows people, but you know the real me. Any hand that they deal me. So tell the dealer he gon' have to deal with me. Even when you're gone, I'ma hunt you like a Christian with a time out final four. So till the stack comes crashing down, world falls apart till death do us part. You my heart for sure. I love you, I love you, I need you, I need you, I need you, I need you, I need you, my head, my head. Dimanche soir, dimanche soir. Case to mix tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Minuit, une heure, c'est rare. Case, DJ Case. Et c'est Rail Suprême. À l'instant, pour conclure ce Rail Suprême, ah, DJ Case. Fini. Oh ouais. Ah ouais, c'est la fin. La fin, mais tu vas revenir la semaine prochaine. Oui. Le ramadan aura commencé, mais on aura des émissions, voilà, juste pour casser les jeunes. Exactement. Le dimanche soir avec la radio. Exactement. On sera là pour honorer notre poste le dimanche soir. Ah, tu vas en soirée ou quoi? Il y a du monde qui arrive. Ah, il y a du monde, ouais. Il y a du monde. C'est soirée tout le temps, Fredo, tu le sais. Hein. Ah, je sais. Et bah merci Case d'ailleurs cette semaine entre vous. Cette semaine jeudi je suis au Théâtre à Porte Maillot et il y a du monde. Ils sont speedos pour sortir. J'entends des gonzesses qui arrivent, mais comment tu vas? Ça va, bonjour à tout le monde, hein. Je te laisse partir pour de nouvelles soirées, pour de nouvelles aventures. Exactement. Sinon bah voilà, jeudi je suis au Théâtre, c'est à Porte Maillot, et on retrouve toutes les infos sur la page fan Facebook DJ Espace KAYZ et sur Instagram, Twitter. Et on n'oublie pas aussi de remercier Crimo de la Villa 75 au top 75 017, 14 boulevard Bessières. Tu avais une absence, 14 boulevard Bessières. Ah, 14 boulevard Bessières, ouais. Voilà. Les meilleurs chichas, elles sont là-bas. Et bah merci à Crémo, merci à toi Case, et rencard la semaine prochaine. Ciao. Ciao, passez une bonne soirée sur Skyrock Rap, Andy, on non-stop, c'est reparti.